Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Meduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, un documentaire, une série documentaire même, sur l'histoire de la haine raciale aux États-Unis. Alors que les manifestations liées au mouvement Black Lives Matter ont marqué ces derniers mois en Europe et aux États-Unis, quatre musées de prestige à Boston, Washington, Houston et Londres ont annoncé fin septembre avoir reporté leur projet d'exposition du peintre Philip Guston. Le motif avoué indirectement par leur direction, le contexte ne serait pas favorable à une juste réception de l'œuvre de l'artiste, notamment celle d'une série de 24 dessins et peintures représentant le Ku Klux Klan, pourtant clairement destiné à dénoncer cette organisation qui a marqué l'histoire américaine. À l'extrême inverse, les fictions américaines du moment n'hésitent pas à représenter ceux qui portent la haine raciale comme étendard, en remontant le fil de l'histoire pour imaginer nombre de dystopies destinées à interroger l'actualité. Du suprémacisme dans Watchmen au nazisme dans The Boys ou encore dans la version californienne de Penny Dreadful. La tendance est aux gros vilains motivés par cette haine raciale, combattus par des héroïnes et des héros, victimes plus ou moins directes de leur fureur. L'usage des super-héros est un classique dans la défense d'une Amérique du Nord, fière de son multiculturalisme. Déjà, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le journaliste Stetson Kennedy avait utilisé le dessin animé et la bande dessinée avec Superman et sa cape rouge pour combattre une des trop nombreuses résurgences du Ku Klux Klan avant que celui-ci ne soit inscrit l'année suivante sur la liste des organisations subversives par le ministère de la Justice, au même titre que les communistes. Un obstacle inattendu pour ce mouvement, né dans les rangs des contestataires de l'abolition de l'esclavage, qui avait déjà connu plusieurs vies sur le sol américain et avait aussi plusieurs fois disparu, défait par le fisc ou les scandales sexuels. The Ku Klux Klan returns to the South. Complete with traditional white hoods, the sheet shortage notwithstanding, about 700 Klansmen prepare for the first meeting to be photographed since 1941. The assembly point atop Stone Mountain is 16 miles east of Atlanta, Georgia. Après la Deuxième Guerre mondiale et les ravages du nazisme, le Ku Klux Klan dépérit mais ne tombe pas définitivement dans l'oubli. La bataille pour les droits civiques ranime sa mauvaise flamme pour la troisième fois dans un déferlement de violence. Ces résurgences endémiques rythment la série documentaire de David Kornbrosa, diffusée sur Arte dès ce soir, Ku Klux Klan, une histoire américaine. Pour comprendre les racines du suprémacisme blanc qui fait à nouveau l'actualité aux États-Unis, on convoque bien volontiers le très spectaculaire Klan qui a imprimé sa marque non seulement à l'imaginaire américain, mais à un imaginaire mondial de la violence raciste avec son folklore grotesque, façonné de cagoules blanches et de dirigeants baptisés sorciers impériales, mais aussi avec ses pratiques massives du lynchage et sa détestation de tout ce qui ne serait pas blanc et protestant sur le sol américain. La série tonitruante de David Kornbrosa nous permet malgré tout de saisir cette histoire mal maîtrisée de notre côté de l'Atlantique, masquée par les nombreuses fictions qui l'ont utilisée. Un folklore à succès qui a relégué la démarche éminemment politique du Klan, présente dès son origine à la fin du XIXe siècle dans le sabotage de l'intégration politique des anciens esclaves. La priorité du premier Klan a été la neutralisation politique, ce qu'on pourrait appeler le politicide des Afro-Américains du Sud. Il a ciblé en particulier les Afro-Américains qui votaient. Et encore plus, ceux qui étaient dans la fonction publique. Souvent, le Klan n'est même pas allé voir les Afro-Américains fonctionnaires pour leur dire « Si vous ne démissionnez pas, on reviendra ». Il les a directement assassinés. Parce qu'il avait compris que ces gens étaient déjà considérés comme des leaders dans leur communauté. C'est bien d'une stratégie de la terreur qu'il est question ici, une stratégie qui finit par défaire durablement l'organisation en 1965, lorsque le président Lyndon Johnson décide d'en faire les ennemis publics numéro un et s'adresse à ses membres en les appelant à désarmer avant qu'il ne soit trop tard. Une archive qui fait le grand écart historique avec l'actualité américaine lorsqu'au contraire Donald Trump s'adresse aux membres de l'organisation néo-fasciste les Proud Boys en leur demandant de se tenir prêts. Une nouvelle stratégie de la terreur et une mise en garde inacceptable dans l'hypothèse de sa défaite dans les urnes le 3 novembre prochain. Nous allons suivre ça Anaïs, merci beaucoup. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et la série documentaire de David Kornbrosa, c'est sur Arte, quelle belle chaîne, ce soir à 20h50.